Des grands mots que voilà. Quelle route as-tu donc suivi? Et que sais-tu de cette fille? Pour penser que et pour de quelques braves filles, dignes de nous, dignes de toi. Deviens un père de famille, ni pire, ni meilleur que moi. Le ciel n'en veut pas davantage. J'ai l'art de voir entendu. J'ai l'art de voir. La vertu qui fait du tapage, tout n'est déjà plus de la vertu. Brave fille, fille de nous.